les gouvernements invisibles, ça existe? Est-ce que ça existe? Ils sont invisibles, c'est difficile à dire. Mais pour pas dire que c'est réel, est-ce que ça existe? Oui, tous les gouvernements qui ne sont pas vus sont invisibles. Qui ne sont pas reconnus officiellement, ce sont des gouvernements invisibles. Non. Il y a beaucoup de gouvernements, de gouvernements sur la planète qui ne sont pas reconnus officiellement par les autres gouvernements qui se reconnaissent eux-mêmes officiellement. Et ces gouvernements-là ne sont pas invisibles, ils sont non reconnus. Un exemple de ça? On a par exemple les gouvernements peut-être du Salvador. On a le gouvernement des Philippines qui a été longtemps non reconnu. OK, mais ils sont reconnus par une masse, au minimum, sont reconnus par ceux qui sont qu'ils dirigent. Non, un gouvernement invisible, c'est un gouvernement qui n'est pas connu par nos gouvernements. Et ni par la population? Nécessairement. OK. Alors, est-ce qu'on peut dire que la CIA, le KGB... On peut dire. Est-ce qu'ils font partie des gouvernements invisibles? Le KGB est nécessairement un gouvernement invisible, mais c'est la surface d'un gouvernement invisible. En dessous, il y a beaucoup plus que le KGB. La CIA, c'est un peu la même chose. C'est un gouvernement paragouvernemental et c'est la surface que l'on connaît, mais c'est une grande, grande, grande part. La CIA qui dirige la majorité des gouvernements dans les territoires où on va retrouver des prémices ou encore de l'exploitation américaine. La CIA est un gouvernement invisible au Salvador, c'est un gouvernement invisible au Nicaragua, c'est un gouvernement invisible dans la majorité des pays qui ont été colonisés ou qui ont reçu l'aide ou qui devraient recevoir l'aide américaine. Comme si on regarde à Cuba, il y a le gouvernement cubain, mais il y a aussi un gouvernement invisible qui s'appelle KGB. Mais le KGB, c'est la surface d'un gouvernement invisible beaucoup plus puissant. Il y a aux États-Unis un autre gouvernement invisible qui est relativement visible, mais qui ne veut pas être visible, c'est le Ku Klux Klan, c'est le KKK. Et le Ku Klux Klan, qui est la plus grande société secrète au monde et la plus puissante, il y a eu des présidents des États-Unis qui en faisaient partie. Il y a la majorité des sénateurs, la majorité. Il y a énormément de sénateurs, il y a énormément de policiers, de chefs de police, de maires, de personnes extrêmement hautes qui font partie de cette société secrète, qui a une seule vision, une seule fonction, c'est d'exterminer tout ce qui n'est pas blanc. Alors, des sociétés secrètes, des gouvernements invisibles, il y en a plusieurs. Maintenant, ce sont des gouvernements dans des gouvernements. Le KKK est totalement assujetti à d'autres sociétés secrètes, comme la FM, entre autres, qui dirigent le KKK, sauf que les dirigeants du Ku Klux Klan ne sont pas au courant. Alors, la FM est aussi, elle, totalement dirigée par une autre société secrète, qui est une société secrète extrêmement plus occulte, qui dirige l'homme et qui dirige aussi la manipulation des gouvernements, qui dirige l'homme d'une façon plus exotérique, à la surface. Ces sociétés, ce gouvernement invisible extrêmement occulte, qui est attribuable à Shambhala, entre autres, et ce gouvernement dirige dans l'astral la majorité de la gestion financière ainsi que la gestion émotive qui différencie les nations, c'est-à-dire que c'est ce gouvernement invisible qui dirige qui gère le phénomène émotif qui va permettre l'instauration du racisme, entre autres, et qui nécessairement va diriger le Ku Klux Klan, qui va diriger les guerres entre la majorité des nations. Le racisme peut être théologique, le racisme peut être de couleur, il peut être politique, il peut être géographique. Il y a donc des gouvernements invisibles qui vont diriger cela. Maintenant, il y a deux gouvernements invisibles majoritaires, Lagartha et Shambhala. Ce sont des termes ésotériques, évidemment, que certains connaissent, qui, normalement, ont trait à des sociétés qui sont matériels, des sociétés, des civilisations, des villes, des cités, qui seraient soit dans la forteresse himalayenne ou soit encore sous le pôle nord canadien. Shambhala et Lagartha sont des mots qui, à un moment donné, ont été colorés, c'est-à-dire qu'on a personnifié, on a essayé de faire des parallèles avec ce que l'humain connaissait, et on a pris ces mots pour en faire des cités. Ce ne sont pas des cités. Par contre, il y a énormément d'entités qui travaillent, qui sont manipulées. On va dire qu'ils travaillent pour Shambhala ou Lagartha, et ce sont les deux majeures sociétés secrètes ou gouvernements invisibles qui dirigent le monde. D'elles va dépendre tous les gouvernements invisibles subséquents qui vont apparemment se rapprocher de nos gouvernements visibles. Mais ces deux mots-là, ça signifie quoi? Est-ce que c'est astral, c'est des entités astrales ou c'est des personnes vivantes, des humains qui dirigent ça? Non, ce sont des entités totalement astrales. Une partie, ce sont des entités astralo-éthériques et ils ont des contacts avec des phénomènes humains. Des moustachus, des paquets d'autres personnages dans le contexte planétaire qui sont, eux, humains. Et ils vont prendre la forme qui est la plus intéressante émotivement pour ces humains, de façon à pouvoir missionner même les humains les plus intelligents. Quand je parle d'intelligents, disons les humains qui ont suffisamment de sensibilité et qui ont suffisamment d'évolutionnabilité pour être capable d'accepter quelque chose de neuf et pour être aussi capable d'accepter de communiquer quelque chose de neuf, même si c'est quelque chose de neuf et coloré. Okay. Si on continue en allant juste à côté, mais probablement c'est relié, les francs-maçons et puis les Rose-Croix. À un niveau très élevé dans l'hiérarchie, il y a des choses qui se passent là qui n'est pas connu de ceux qui sont dans la base. Absolument. Sauf que la franc-maçonnerie, donc la FM et l'ordre des Cruciens, c'est quelque chose de bien. La franc-maçonnerie est quelque chose qui est beaucoup plus négatif. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais c'est la franc-maçonnerie qui, normalement, est mandatée pour faire le mal. La franc-maçonnerie va donc soutenir le Ku Klux Klan, elle va soutenir la majorité des guerres raciales, la majorité des guerres planétaires, comme la Deuxième Guerre mondiale, entre autres, les exterminations massives de différentes populations. L'ordre rosicrucien est un ordre qui, normalement, instaure la contrepartie, va donc amener la paix, mais on en entend moins parler, la franc-maçonnerie n'en entend pas parler non plus, mais historiquement parlant, on va retrouver beaucoup plus d'interactions franc-maçonniques dans la gestion des gouvernements qu'on va retrouver des mécaniques rosicruciennes. Mais c'est uniquement parce que on parle beaucoup plus du mal sur la planète qu'on parle des choses qui sont constructrices ou qui proviennent d'après le mal. L'ordre rosicrucien est beaucoup, par contre, beaucoup plus fragmenté et beaucoup plus fragmentable que la franc-maçonnerie. Pourquoi? Parce que plus tu es proche de la matière, donc plus tu es dense, plus tu es proche du mal, c'est le terme employé en spiritualité, plus tu seras capable de devenir puissant dans la matière, donc de devenir efficace, donc d'éviter les éclatements égoïques, les éclatements astraux. On a dit, dans l'Antiquité, si Satan se met à travailler contre lui-même, c'est sa perte. Mais on n'a pas dit que Dieu t'a toujours travaillé contre lui-même. L'ordre rosicrucien est beaucoup plus fragmenté, beaucoup plus divisé, donc beaucoup plus faible que la franc-maçonnerie. Et présentement, il y a dans le gouvernement mondial énormément de structures qui sont à s'établir pour obliger énormément d'humains à mourir, c'est-à-dire à revenir vers la mémoire, à revenir vers le passé et à prendre une bifurcation planétaire qui va être décisive dans les années à venir. Une bifurcation planétaire, celle de l'homme ancien, celle où on va recréer le cycle. Et la franc-maçonnerie fait tout pour obliger cela, uniquement pour forcer les êtres humains les plus solides, qui spirituellement portent le nom d'élus, pour forcer ces êtres humains-là à rayonner, donc à éclater, c'est-à-dire à se fusionner avec leur métérique. Plus le mal approche, plus le mal est dense, plus la corde devient raide et la corde raide devient mince pour les individus qui se conscientisent. Plus cela arrive, plus les individus qui se conscientisent peuvent s'écœurer. Je répète encore que la clé est de s'écœurer sans se déprimer. Plus cela est forcé, plus les individus conscientisables, transportables, vont parvenir à cette libération. Plus vite cela est fait, plus rapidement, dans un temps illusoire, mais dans un temps humain, plus rapidement l'évolution de l'humanité, donc la libération de l'humanité face à la souffrance planétaire, à la souffrance astrale, va être accomplie. Cela veut dire que la franc-maçonnerie a comme fonction d'amener l'âge de précipiter l'âge de fer, et si possible d'amener un âge de fer dans l'âge de fer, donc un âge du mal dans l'âge du mal. C'est ce qu'elle a commencé à faire lors du Troisième Reich, et c'est ce qu'elle va tenter de poursuivre, d'ailleurs c'est ce qu'elle fait régulièrement, par la drogue. L'invention du crack, entre autres, qui est absolument géniale au niveau mise en marché, c'est formidable, ça coûte presque rien, tu restes totalement pris avec, et il y a énormément d'autres facteurs qui vont être totalement menés par ce genre de société secrète de gouvernement invisible. Tout ça, c'est amené et pensé par les francs-maçons. Non, c'est amené par la franc-maçonnerie, ce n'est pas pensé par la franc-maçonnerie, ils peuvent avoir l'impression qu'ils y passent. Alors, est-ce qu'ils sont au courant de ce qu'ils font? Par exemple, est-ce qu'ils Ils sont au courant de ce qu'ils font, oui, mais ils ne sont pas au courant de ce qu'on dit qu'ils font. Est-ce qu'ils savent, quand tu dis con, c'est toi? OK. Est-ce qu'ils savent pourquoi? Ils savent ce qu'ils font, mais est-ce qu'ils savent pourquoi ils le font? Absolument, ils savent pourquoi ils le font, mais ils ne savent pas le pourquoi que je sais. Alors, quel est le pourquoi que tu sais? Je te l'ai dit. Okay. Ils ne savent pas ça. Non. Alors, eux sont manipulés par quoi? Est-ce que c'est d'autres gouvernements invisibles qui sont au-dessus de eux? Le gouvernement invisible le plus implacable, c'est le gouvernement lazaréen. Okay. Oui. En dessous de lui, le gouvernement agarcien ou chambaléen. Bon, le mal, le bien. Et par la suite, tu auras la fragmentation de ces gouvernements à travers tout ce qui peut être supporté par la conscience humaine. Si tu es musulman, on aura une partie gouvernementale occulte qui pourra te gouverner en fonction de ta trame émotive religieuse. Si tu es chrétien, ce sera autre chose. Si tu es russe, ce sera autre chose. Si tu es, etc., ce sera autre chose. Alors, Lazare, tous les phénomènes lazaréens. C'est ce qui est, bon, on va dire, c'est Lazare qui dirige tout ça, autant à partir d'en haut. Il n'y a rien, qu'est-ce qui est en haut de Lazare pour diriger quelque chose là-dedans? Voilà. Ce qui est en haut de Lazare, c'est quelque chose qui parle à l'homme. C'est quelque chose qui parle à l'humain, c'est quelque chose qui essaie d'entrer en communication avec l'humain pour contourner la mécanique lazarienne, qui est une mécanique extrêmement vieille, une mécanique archétypale du passé. Lazare, c'est la gestion de l'évolution mentale à l'échelle de la planète. Lazare, c'est la structure mentale, ce n'est pas la structure supramentale, quoique Lazare est maintenant est extrêmement supramental, mais la fonction même de Lazare était de développer la structure mentale. C'est pourquoi il a amené la science, c'est pourquoi il a amené énormément de facteurs au niveau scientifique. On peut parler d'alchimie, on peut parler de la locomotive, on peut parler de plusieurs choses. Mais pour se faire, Lazare, pour développer le mental, et on sait que dans l'ego de l'humain, le mental se développe uniquement lorsque l'astral de l'homme, lorsque l'ego, vit suffisamment de désillusions pour, à un moment donné, travailler dans sa mémoire de façon animative. Et c'est donc la gestion de l'expérience de la mémoire dans une place animative qui est le mental. L'intellect dans le début, mais le mental par la suite. Pour se faire, Lazare s'est servi de la femme pour, en inventant les cosmétiques entre autres et en inventant différents autres phénomènes, pour que la femme astralise énormément le contexte planétaire de façon à créer dans le monde de la mort suffisamment d'astralité, d'émotivité, pour que celle-ci, voulant devenir juste, voulant devenir un peu féminine, se heurte, se casse la gueule totalement par rapport à la mécanique planétaire, et cela engendre planétairement un mental qui collectivisera à un moment donné suffisamment les individus pour permettre la création de sociétés beaucoup plus industrialisées, axées sur une compétition, parce que c'est motivisé, axée sur une compétition technologique. Donc, on en arrive à une technocratie, à un moment donné, même si elle reste démocrate, même si elle reste communiste, même si elle reste un peu théocrate dans certains contextes, elle restera théocratique quand même. Technocratique. Maintenant, lorsque Lazare a fait cela, il a créé le mental. Présentement, ce qui se passe, c'est que dans la création, il y a des super-univers. Dans les super-univers, il y a des créations locales. Ces créations locales vont engendrer des univers locaux. Dans les univers locaux, il y a des mutations locales. Ces mutations locales vont engendrer les galaxies. Les galaxies vont connaître différentes mutations, différents phénomènes à l'intérieur d'elles, et elles vont permettre l'engendrement de planètes quelques 4,5 milliards après le début de leur apparition. Des soleils qui vont avoir des planètes. Sur ces planètes, on va retrouver, encore une fois, un phénomène énergétique. Ce que l'on doit comprendre, c'est que l'énergie n'existe pas. Premièrement, on n'a qu'à accélérer notre vitesse de déplacement relativement à un autre vecteur de déplacement pour déphaser le temps. Ce que je veux dire que si je me voyage deux fois plus vite que toi, je vieillis deux fois plus lentement que toi. Mais si je voyage aussi rapidement que la Terre, je vieillis au rythme de la Terre. Si je voyage deux fois plus lentement que la Terre, est-ce que je vieillis ou si je rajeunis? Une bonne question, hein, pour savoir si tu dors. Ben, c'est que on devrait rajeunir, mais si tu voyages deux fois plus lentement, théoriquement, ça devrait vieillir. La problématique, c'est que dans quelle direction va le déplacement? Si je voyage deux fois plus lentement que la Terre, est-ce qu'en réalité, je vais quatre fois plus vite dans le sens opposé? La problématique, c'est que si l'homme, dans sa conscience, pense qu'il va plus lentement, il ne pense pas qu'il va dans le sens opposé. Automatiquement, il vieillit deux fois plus vite. S'il pense qu'il va deux fois plus vite dans le sens, quatre fois plus vite dans le sens opposé, il va rajeunir. C'est-à-dire qu'il va vieillir, il va vieillir plus lentement. Tout le contexte galactique est un contexte illusoire, c'est-à-dire qu'il y a une supra-énergie, on prend ce mot pour l'instant, qui est une énergie non exprimée, ce n'est pas de l'énergie. L'énergie, c'est quelque chose qui rentre dans un contexte limité par une courbure gravitationnelle. L'énergie, c'est quelque chose qui rentre dans un contexte, crée le contexte en pénétrant dans le contexte. Donc là où il y a du vide, il y a la création de quelque chose, et ce quelque chose, c'est aussi ce qui va remplir le vide. Et limité à 300 km, 300 000 km à la seconde, nous avons maintenant de l'énergie. Nous savons que un atome est extrêmement virtuel, qu'un électron existe et n'existe pas. Il existe, il n'existe pas, c'est une farce. Astrophysiquement, on le sait. Sauf que ces électrons qui sont une farce, les quarks constituant les protons, les neutrons, etc., qui sont une farce, vont constituer nos corps physiques ainsi que la matière. Cela veut dire que, par exemple, ici, la branche de ce micro, elle est reconstituée dans l'instantané continuellement. Autrement dit, elle n'a pas le temps d'exister. Parce que moi, j'ai la capacité de mémoriser le virtuel, nécessairement j'engendre le prolongement du virtuel et j'engendre la solidité. Mais elle n'existe pas. Elle existe dans une vision. Parce que nous avons été astralement constitués à même l'expérience de la mémoire, donc de la solidité, nous concevons le monde uniquement dans la solidité, ce qui nous brime totalement dans l'éclatement de l'archétype pour nous permettre de traverser les choses. Lorsque nous parvenons à le faire, nécessairement, nous sommes en processus de fusion. Être en processus de fusion veut dire être totalement désassujetti des archétypes planétaires. Cela veut dire ne plus être soumis aux lois de Lazare. Cela veut dire être totalement libéré du phénomène lazarien. Donc, nous éclatons. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, le phénomène évolutif devient tellement plein qu'il commence à rayonner. Rayonnant, il courbe, c'est-à-dire qu'il va impliquer dans les lois physiques actuelles de nouvelles géométries. Donc, le fait que l'être humain commence sa fusion, en plus de le libérer de l'astralité planétaire, ça va aussi obliger toutes les lois astrales à muter. Cela va libérer Lazare, et cela va libérer la majorité des divinités. C'est pourquoi il y aura plus facilement un processus de digestion du monde de la mort, mais nécessairement il y aura une guerre, une lutte. Pourquoi? Parce que la majorité des animaux humains, se voyant totalement désassujettis du monde de la mort, ne seront pas capables de comprendre, de s'autoriser à se supporter eux-mêmes, alors ils vont tout faire pour recréer le monde de la mort. On recrée un monde de la mort dans la souffrance émotive, et la façon la plus rapide de créer le monde de la mort, c'est dans la création des martyrs, ce que les chrétiens ont fait aussi. Bon, alors il y aura des guerres, des sacrifices au nom de ce que tu voudras, des dieux perdus, bon. Extraterrestrement parlant, ce que j'explique est extrêmement pratique. La seule chose qu'il y a, c'est que si on essaie d'en connaître la valeur à partir de l'astral, de l'émotivité, ou d'en connaître la valeur à partir de l'intellectualisme, on ne pourra pas rien faire avec ce que je dis. Bon, on pourra se laver, se barbouiller, mais c'est tout. Extraterrestrement parlant, l'énergie descend. On dit descend. L'énergie rayonne à travers la galaxie. Le centre de notre galaxie est extrêmement perturbé. Nous sommes dans une galaxie, la galaxie qu'on appelle la Voie lactée, qui est extraordinairement défaite. C'est une galaxie qui est vieille, une galaxie qui est pourrie, c'est-à-dire c'est une galaxie qui approche d'une restructuration totale. Dans notre galaxie, il y a quelques milliards d'étoiles, mais c'est ce que les astrophysiciens pensent, mais c'est faux. Dans les autres galaxies, on peut considérer qu'il y a des milliards d'étoiles. Dans la nôtre, la majorité de notre galaxie est totalement cachée par des nuages de poussière. Ces nuages de poussière font qu'il y a énormément, lorsque l'on regarde, énormément d'endroits où il n'y a pas d'étoiles. C'est ces endroits où il n'y a pas d'étoiles, il y a des étoiles derrière. Il y a d'autres galaxies derrière. La problématique, c'est que ces nuages de poussière cachent la majorité. On sait qu'il y a l'éclatement d'une supernova. Il y a minimum une supernova qui éclate il y a presque 75 supernovas qui peuvent éclater par année dans une galaxie. Nous, on a accès à une par 75 ans, à peu près une par 100 années, si on arrive à la voir. Par contre, lorsqu'on étudie avec des télescopes super puissants ou encore des radiotélescopes, d'autres galaxies, on se rend compte qu'il y en a des supernovas qui vont éclater. Dans la nôtre, il y en a moins, ou la majorité sont cachées par ce nuage de poussière. Et ce nuage de poussière, là, c'est quoi? C'est des nébuleuses ou c'est... Non, ce sont simplement nébuleuses, c'est un terme. Ce sont simplement des étoiles qui ont éclaté, qui ont sauté. Et présentement, il n'y a pas eu suffisamment de restructuration, c'est-à-dire qu'il manque dans notre galaxie un tourbillon qui pourrait ramener la poussière, la comprimer sous l'effet d'une force gravitationnelle, la comprimer à un point tel, comme ce qui va se passer dans l'astral de l'humain, dans l'âme de l'humain, les comprimer à un point tel qui est tellement écrasé qu'il n'y a plus de place. Vu qu'il n'y a plus de place, il y a de la friction. Vu qu'il y a de la friction, il commence à y avoir de la chaleur, et lentement, tu engendres des soleils. Notre galaxie est sale. Mais pourquoi? Pierreuse. À cause de quoi? Le temps, la vieillesse, c'est quoi? Simplement parce que la majorité du phénomène gravitationnel est concentrée dans des régions où il y a de l'évolution, où il y a accumulation d'énergie, de supra-énergie, et où il y a évolution ascendante, dans des contextes comme nous les retrouvons nous autres. Mais est-ce que la gravité arrive avant que la possibilité d'évolution vienne, ou c'est le contraire? Il y a gravité quand l'évolution est arrivée là. C'est-à-dire qu'au niveau des soleils, l'évolution est très simple. C'est comme l'humain meurt, et donc éclatement. Après ça, restructuration, nouveau soleil, mort, éclatement, restructuration d'un nouveau soleil. Dans notre galaxie, un des grands facteurs de gravité, c'est ce qui permet à notre galaxie d'être si facilement visitée par des entités fusionnelles, c'est que notre galaxie n'a pas ce facteur. Il y a une gravité. Notre galaxie est une galaxie qui est effilochée. Il y a des branches. Bon. Il y a un immense noyau central de poussière. Il y a des étoiles dedans, mais il n'y a pas comme on pourrait en s'attendre à en trouver. Et c'est effiloché parce que la gravité s'est défaite. Nous sommes dans une galaxie qui pourrait, qui ne fera pas, mais qui pourrait se perdre totalement dans l'univers vide entre d'autres galaxies. Si on traverserait une autre galaxie, on se fusionnerait elle. L'être humain, l'énergie qui descend dans la galaxie, n'est pas maintenue dans le centre de la galaxie et il est diffusé dans la galaxie. Étant diffusé dans la galaxie, nous avons accès à des énergies qu'on ne retrouve pas ailleurs. Nous avons accès planétairement, humainement, à de l'énergie qui n'a pas la puissance qu'elle devrait avoir, une énergie qu'on va appeler supramentale présentement, qui est une énergie mémorielle galactique. Mais parce qu'elle est disparate, là, ou... Parce qu'elle n'est pas centrée dans un noyau galactique, elle nous parvient plus densément, plus facilement, et parce qu'elle n'est pas centrée dans une forme de gravité, elle n'est pas centrée sur elle-même, elle est facilement assimilable par de l'humain. Autrement dit, elle est facilement assimilable par d'autres centres de gravité, en l'occurrence l'égocentricité d'un humain, qui est aussi une forme de gravité astrale. Il amène tout vers lui. Bon. Cela veut dire que l'énergie supramentale, on ne doit pas la voir comme bien souvent les individus la voient. L'énergie supramentale ne connaît rien de l'humain. Autrement dit, si un jour vous ne vous rappelez plus où vous demeurez, l'énergie supramentale ne peut pas vous rappeler, ne peut pas vous dire où vous restez. Elle ne connaît rien de la structure humaine. Vous devrez vous connecter dans les mémoires akashiques, si vous n'avez pas de mémoire. Dans les mémoires akashiques, vous pourrez lire votre adresse. Donc, à un moment donné, un individu planétairement, par exemple, vous allez me demander où je peux trouver de l'eau. Et relié au plan supramental, donc extrêmement réchauffé, je ne pourrai pas vous dire où il y a de l'eau. Alors, l'animal humain va dire, oui, mais je ne comprends pas, s'il est relié au plan supramental, il sait tout. Je sais tout ce que j'ai besoin de savoir lorsque c'est nécessaire que je le sache. Mais je ne sais pas où vous allez trouver de l'eau. Par contre, si vous me demandez... Quelle est la fonction cosmique de l'eau? Ça, on ne le sait pas sur la planète. Mais ça, je peux le dire. Donc, si je redeviens humain, je peux trouver de l'eau. Mais je ne sais pas ce que l'eau fait comme vecteur d'évolution humaine. L'eau, c'est un grand, grand véhicule de l'astral. Je ne sais pas. Et nos corps physiques sont constitués d'eau. Grande merde, mais c'est comme ça. Il y en a besoin d'eau. Bon. Là, si je suis humain, je ne peux pas répondre, mais si je suis connecté et relié à un plan supramental, je peux répondre cosmiquement de ce que c'est l'eau. Mais je ne peux pas vous dire, par exemple, le nom de tel muscle ou pourquoi vous avez une carie. Je ne peux pas. Mais je peux vous expliquer à quoi sert les caries d'un humain. L'animal humain, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il visualise, quand je parle de l'animal humain, je parle de l'ego, il visualise l'être fusionné. Il visualise l'être totalement éclaté, l'être qui s'y met à rayonner. Il visualise l'être qui est en train de descendre son double éthérique dans son corps de chair. Il visualise l'être, non, fusionné, non pas fusionnel, c'est-à-dire que le double éthérique est maintenant terrestrifié. Automatiquement, il n'y a plus de bilocation de conscience, il y a une unique conscience. Lorsque l'être humain essaie de comprendre l'évolution, il peut se dire, nous partons d'une pluriconscience, une plurilocalisation de conscience, vous avez une conscience physique, si je vous donne un coup de pied, vous allez savoir, vous allez comprendre ce que je veux dire par conscience physique, vous avez une conscience vitale, vous avez une conscience astrale, vous avez une conscience mentale lorsqu'on n'est plus uniquement un animal humain. L'évolution va faire en sorte qu'à un moment donné, il y aura, de cette quadriconscience, il y aura une cinquième conscience qui va apparaître, relié à l'apparition d'un troisième cerveau qui est finalement le double éthérique dans le plan morociel. Et progressivement, il doit y avoir une fusion des quatre consciences planétaires pour créer une seule et unique conscience. Cette seule et unique conscience devient un centre gravitationnel suffisamment puissant, donc suffisamment utilisable, pour que ce qui se crée dans l'anégoïsation commence à être centré autour. Cela veut dire que tant que l'être humain n'a pas fusionner suffisamment la conscience planétaire, c'est-à-dire que tant que l'être humain n'envisage pas dans sa globalité, mais une globalité de conscience, les quatre plans planétaires, il n'a pas suffisamment de centricité sur lui-même pour qu'il puisse considérer la création individuelle de Dobbétéric. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'être humain doit s'en égoïser, ça va de soi. Mais pour s'en égoïser, l'être humain doit devenir mental. Devenant mental, le mental va être capable, lui, de créer une coordination entre les consciences inférieures, entre la conscience émotive, où le mental va maintenant savoir que tu m'habites. Et toute la vision de l'ego, la vision émotive, sera une vision uniquement mentale. Donc, il y a maintenant fusion de la conscience. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mental qui, à un moment donné, lutte continuellement contre de l'astral, et l'astral trouve cela beau, le mental trouve cela stupide, il n'y a pas deux consciences. Il y aura une conscience mentale qui va comprendre que l'ego trouve ça beau, et la conscience mentale va, elle, voir, et ce que l'ego va maintenant connaître du monde ne proviendra que de la force mentale. Au niveau vital, ce sera la même chose. Le mental va être capable de gérer le vital pour que le corps s'alimente mieux, pour que le corps dorme mieux, pour que le corps s'énergifie, finalement rajeunisse. Le corps physique sera la même chose, il sera régi par le phénomène mental. Il y a maintenant une fusion planétaire des consciences. Il n'y a pas le corps physique qui sexuellement vous réveille astralement. Il n'y a pas astralement l'idée de manger ceci ou de manger cela. Il n'y a pas le corps vital à un moment donné qui manipule la structure de l'ego et qui vous rend plus irritable, donc plus colérique. Il n'y a pas le mental qui vous permet uniquement d'écœurer votre ego par la vision qu'il a du monde. Que l'ego devient imperméable à l'astral? Non, l'ego reste perméable, sauf que l'ego ne peut plus, tout le corps physique, le corps vital et le corps astral, ne peuvent plus connaître le monde autrement qu'en passant par la vision mentale. Donc, il y a maintenant une fusion de la conscience dans les corps inférieurs, le mental, l'astral, le vital, le physique. Quand cela est fait, quand vous, et j'en en parle de temps en temps, et il y a une fois par année une date. La date, ce n'est pas une journée, on parle d'un mois, un mois et demi, où la structure planétaire rentre dans une phase où elle se voit coupée de différentes mécaniques, très long à expliquer. Il y a un temps qui n'est pas nécessairement le même pour chacun, pour chaque être humain, mais qui est relativement similaire dans certaines régions géographiques de la planète, un temps où l'humain augmente, voit sa dose d'écœurement augmenter. Sa dose d'écœurement augmente, et j'ai expliqué qu'il doit y avoir quelqu'un qui met le doigt sur la soupape, parce que rendu, il vous faut 100 livres pour éclater, pour rayonner. Rendu 75 livres, la soupape s'ouvre, et puis là, ça sort, puis elle se referme rendu à 50 livres. Alors, on doit attendre encore d'augmenter, puis près de 75 livres, on a l'impression que ça se rapproche, c'est vrai, la soupape s'ouvre, et puis on redescend encore. Bon, il manque quelque chose. Ce que l'humain doit savoir, c'est qu'il y a un laps de temps où la fusion des corps inférieurs, de la conscience des corps inférieurs, est plus faisable. Il y a moins de manipulation astrale qui l'empêche, c'est-à-dire qu'il y a moins de nourrissement, de nourriture donnée à l'antihomme, mais il va nécessairement y avoir une accumulation au niveau de la vision mentale de l'instruction donnée à l'ego, donc il risque d'y avoir une accumulation de l'écœurement. Mais on ne doit pas se déprimer. Se déprimer, c'est ouvrir nous-mêmes la soupape. Donc on doit s'écœurer avec le sourire. Quand cela arrive, il y a donc un temps où le mental peut totalement accomplir la fusion des consciences inférieures. De ce fait, vous n'êtes plus un être humain, mais vous n'êtes pas encore un extraterrestre. Vous êtes un mutant, une mutante. Quand cela arrive, il y a maintenant, au lieu d'avoir différents phénomènes de gravité, gravité physique, gravité vitale, gravité astrale énorme et gravité mentale, il y a maintenant une seule source de gravité, et cela fait en sorte que votre inégalisation non seulement va s'accentuer, va s'accélérer, la souffrance, vous ne devriez même plus en parler. Parce que quand on parle, on se plaint, quand on se plaint, on se déprime. On doit apprendre à se fermer. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui ne permettent que le langage de l'astral, et ces mots-là doivent disparaître du langage du mental. C'est une forme de rééducation totale au niveau du langage, mais c'est comme de dire, par exemple, bon, le mot stupide, c'est un mot à bannir à jamais. Il ne peut pas être compris par le mental. Donc, il n'est utilisable que par l'ego. Le mot imbécile, tous les mots péjoratifs de jugement, auto- ou hétéro-jugement, sont des mots qui permettent à l'humain de se déprimer. Les mots, bon, évidemment, il y a des façons de parler le soupir. Tu viens des quelque chose approche, ça va éclater. Sinon, on ouvre lui-même la soupape. Quand cela est fait, il y a donc accélération de la négoïsation. Et en ayant l'accélération de la négoïsation, il y a des assujettissements de la centricité que donnait l'ego par rapport aux mécaniques lazariennes, par rapport aux mécaniques archangéliques, donc à tous les gouvernements invisibles. Progressivement, l'ego devient de plus en plus désassujetti de toute cette manipulation. Donc, il se désassujettit nécessairement des lois qui régissent l'évolution animale. Cela veut dire qu'il ne fait plus, il ne doit plus, il ne peut plus faire référence aux lois d'affaires. Donc, on parle de commerce, on parle de vivre en affaires, aux lois qui permettent de gérer la matière reliée à l'air du poisson. Tout ce qui est piscéen ne fonctionne plus. Mais, étant donné qu'il n'a pas encore commencé la fusion avec son dométhérique, tout ce qui sera aquarien relié à l'air du Verseau ne fonctionne pas. C'est ce qui amène l'humain sur la corde raide. On a déjà parlé suffisamment de la corde raide. Oui. Cette corde raide, elle est essentielle. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous devenez plus important, pour prendre des termes planétaires, vous êtes plus important que ce que vous allez accomplir. Étant donné que vous devenez plus important que ce que vous allez accomplir, ce que vous allez accomplir n'est plus important. On parle toujours du point de vue cosmique. Et étant donné que l'être humain commence à avoir une centricité au niveau du mental, même s'il n'a pas finalisé la fusion de ses personnalités inférieures, il a quand même une centricité, et donc une création de gravité, un centre gravitationnel plus mental, nécessairement il commence à créer autour de lui, dans son anégoïsation, il commence à créer son dométhérique. Le dométhérique, on le place dans le plan moronciel, c'est pour le dessiner sur un papier. Qu'est-ce que c'est que l'énergie vitale? C'est l'énergie subatomique. Le plan moronciel, c'est l'énergie vitale. Donc, nécessairement, le dométhérique, il est constitué à même votre corps vital. Donc, il entoure l'être humain, il fait partie intégrale de l'humain. La fusion, c'est lorsque la conscience mentale est capable de rajouter dans sa vision des personnalités inférieures une personnalité supérieure, on parle de supérieur, on parle de vibration, évidemment, qui est le dométhérique. Quand il y a conscientisation du dométhérique, il y a bilocation de conscience, c'est-à-dire que d'une quadrilocation de conscience, on en arrive à une bilocation, et beaucoup plus loin, on en arrivera, lorsqu'il y aura totalement fusion, on en arrivera à une seule et unique conscience, mais qui alimentera l'expression de l'humain à partir des phénomènes planétaires, comme des phénomènes extraplanétaires, donc galaxiques. Le dométhérique n'a rien à voir avec le supramental. Oui. Pour arriver à lui-même. Oui. On va revenir sur cela. Le dométhérique est une alliance. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a quatre étapes, mais dont le supramental n'a pas d'affaire là. C'est ce qui va l'attirer, mais. Oui, pas au niveau planétaire. Par contre, ce qui va arriver, c'est qu'est-ce qui va accélérer la personnalisation du mental, et non pas la personnification, la personnalisation du mental. Qu'est-ce qui va accélérer cela? C'est le contact entre le plan supramental par un ajusteur de pensée avec le plan mental de certains humains. Cela va faire en sorte que l'intelligence supramentale ne peut pas amener dès le début l'information à l'humain de ce que vous êtes. Elle ne peut pas. Elle ne vous connaît pas. Par contre, elle va donner suffisamment d'énergie au mental pour que le mental progressivement se réveille et lui, regardant ce qu'il peut regarder, regardant en bas, découvre ce que c'est l'ego, découvre ce que c'est... la majorité de ce qui le constitue. Immédiatement, l'intelligence supramentale, qui maintenant connaît ce que le mental connaît, pourra t'amener un parallèle entre ce que tu es et ce qu'est la planète Terre. Là, tu commences à avoir de l'information qui ne provient pas du monde de la mort, parce que cette information inclut le monde de la mort. Bon. Progressivement, lorsque le mental devient suffisamment puissant, pour que vous cessiez de considérer que vous êtes nerveux, alors que c'est votre ego, que vous avez peur, alors que c'est votre ego, que vous êtes écœuré, alors que c'est votre ego. Quand vous êtes dans votre vocabulaire capable de dire que ce n'est pas vous. Bon, je t'ai eu la face. Qui vient de parler? C'est tellement évident. C'est de l'ego. Donc, mon ego t'a eu la face. Bon, puis ton ego, il vit avec ça. Mais c'est une façon de jouer, encore une fois. Les imbéciles vont jouer, mais laisse-les jouer, ils jouent de toute façon. Mais c'est un niveau supérieur quand même. Si tu arrives à parler de ton ego, en disant mon ego, c'est mon ego qui dit ça, c'est quand même l'ego qui dit c'est mon ego qui dit ça. Oui. Ça peut être le mental. Moi, ce que je te dis, c'est que l'être humain qui vit dans la conscience astrale de l'imbécilité, le médiocre, lui peut, à un moment donné, se jouer des tours. Lui peut dire, parce que quelqu'un qui écoute la conférence peut dire, peut apprendre, ah ok, bon, ben d'abord je vais dire que c'est mon ego. Alors je me frappe, ouch! Mon ego vient de chialer. Bon. Oui, c'est sûr. Moi, je ne dis pas qu'on doit prendre l'habitude de changer son vocabulaire. Je dis que maintenant que l'on comprend des choses, on doit changer son vocabulaire. Mais celui qui se laisse jouer, il se laisse rejouer de toute façon. Ça, il n'y a rien à faire. C'est pas lui que je parle. Parce que le mental ne souffre pas. Non. Il ne peut pas souffrir. Il ne s'écœure pas, il ne s'impatiente pas, il ne souffre pas, il ne se plaint pas. Le mental ne peut pas faire ce genre de choses. Mais c'est l'ego qui, après avoir touché au mental, c'est l'ego qui se plaint par la suite. Tout le temps. Et on doit s'arranger pour éliminer ce genre de choses. Dans l'ajustement de la parole, il y a l'élimination des mots faux. Il y a le renforcement de ce que nous disons par l'énergie de la voix. Il y a aussi l'augmentation de la quantité de mots précis pour remplacer les mots faux qui, finalement, servaient à plusieurs sources. Mais il y a aussi autre chose dans l'ajustement de la parole. Il y a maintenant on doit développer une parole aristocrate. Une parole aristocratique, une parole reliée à l'aristocratie, une parole qui élimine totalement les bas-fonds de ce que l'animal humain était. Donc, dans notre vocabulaire, il y a énormément de mots qui ne doivent plus jamais sortir par notre bouche. Et je ne dis pas que l'on joue. La majorité ici, vous avez suffisamment compris pour commencer à changer. Commencer à changer, c'est commencer à faire certaines choses. En l'occurrence, vérifier le langage. En l'occurrence, cesser de se plaindre. Et si ça s'est plaint, même si ça s'est plaint en disant « maudit que je suis écœuré », donc ça s'est plaint, on doit par la suite comprendre et même le dire, c'est l'ego. Et je parle de ceux et de celles qui comprennent la mécanique. Je ne parle pas évidemment de ceux qui ne comprennent pas la mécanique. Ils vont dire « c'est l'ego ». Comme certains vont dire « oui, mais c'est mon mental qui t'haït ». Ah oui, ils peuvent le dire. Mais je ne parle pas de ces gens-là. Ils comprendront plus loin. Bon, je parle de d'autres mécaniques. Lorsque le mental est capable de créer la fusion des personnalités inférieures, ça veut dire que c'est le mental maintenant qui détermine de quelle façon nous vivons. Ce mental-là va permettre plusieurs choses. Et ce que je dis est applicable parce que pour plusieurs personnes, il y a un temps qui s'en vient. On sent. Puis après un laps de temps, eh bien, ça va être dans plus ou moins 8-9 mois que ça va recommencer. Bon, puis si on manque notre coup, encore plus ou moins 8-9 mois que ça va recommencer. Bon, on a encore quelques 8-9 mois à perdre, mais c'est pas utile. Vous savez, il y a une loi, un principe extrêmement paradoxal, extrêmement vibratoire que vous devez comprendre. C'est que vous ne pourrez pas réussir tant que ce ne sera pas le temps. Et ce ne sera pas le temps tant que vous n'aurez pas réussi. Et ce que je dis est non seulement fondamental, ce n'est pas idiot, c'est totalement vrai. Non, mais c'est parce que c'est... Il y a la loi de l'air du poisson, et à cette loi, nous allons dire qu'effectivement, travaillez comme vous voudrez, tant que ce ne sera pas le temps, vous ne réussirez pas. J'ai passé 20 jours à chercher la solution et je l'ai trouvée après 20 jours de travail intensif. Une chance que j'ai passé mes 20 jours. Mais celui qui va faire partie de l'ère nouvelle dans l'évolution, je ne parle pas d'être l'axe encore physique, là. Je parle de l'évolution associée aux lois de l'homme nouveau, de la femme nouvelle, de l'enfant nouveau. Lui, lorsqu'il va décider d'accomplir, ça va être le temps. Maintenant, une personne peut facilement dire, eh bien, je vais attendre mon temps, je m'assis, je fais rien, j'attends. Et elle est assujettie à l'air du poisson. Et elle a raison. Et la loi s'applique à merveille. Ça ne fonctionnera pas tant que ce ne sera pas le temps. Non, mais il faut quand même faire quelque chose, mais il ne faut rien faire. Exact. Et ça, il faut qu'on y revienne. Parce que c'est un problème dans la majorité des cas de ceux qui se conscientisent. La majorité des individus ici ne savent absolument pas où ils vont dans la vie. Ils ne savent pas. Même celui qui a un commerce, il ne sait pas. Parce que le commerce n'est pas la chose la plus importante. Et là, l'individu va dire, alors, à un moment donné, il faut qu'on fasse un arrêt, puis qu'on se retrouve. Mais tu essaies de te trouver, puis tu te trouves. Mais ça ne tient pas, tu ne te trouves pas. Pourquoi? Parce que si vous êtes plus important que ce que vous allez accomplir, donc là, c'est une importance qui n'est plus collective. Quand c'est ce que vous faites qui est important, c'est une importance collective. Elle va rester historiquement. Ce qui va arriver, c'est que tant que vous n'avez pas réglé chez vous certaines choses, tout le reste ne peut être réglé. Alors, vous pouvez suivre des cours pour vous enligner dans une autre facette du travail, une autre façon de vivre, mais il y aura toujours une saveur désagréable, une saveur amère, une incertitude, ce que tu voudras. Vous allez faire de l'argent, il y aura toujours la même saveur, il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. C'est parce qu'il y a quelque chose à régler, mais beaucoup de personnes, et tout le monde, beaucoup ne savent pas quoi régler. Exactement. Alors, on sait encore moins comment. Oui, mais c'est d'ailleurs ce que je vais expliquer là, ce que j'ai commencé aussi un peu à expliquer. La première chose, c'est que nous devons... Tu sais, c'est facile de dire « un égoïsez-vous ». C'est facile aussi à le faire. La problématique, c'est que plus on a d'égo, moins il veut. Mais, cosmiquement, c'est facile de s'en égoïser. Mais en même temps, demandons à ce qui est cosmique de venir sur la planète 2-3 jours. Après ça, il verra comment c'est facile de s'en égoïser. Tant que nous sommes assujettis à la gravité de la planète Terre, nous sommes assujettis à la densification, donc à l'évolution. C'est pourquoi nous devons rester totalement éveillés, 24 heures sur 24, sinon 25, parce que chaque fois que nous dormons, nous sommes terrestrifiés. Nous perdons du terrain. Et parce qu'on a un corps physique, notre terrestrification est lente. L'évolution aussi. Première chose, c'est de comprendre que nous ne sommes pas l'animal. Ce n'est pas nous qui sommes impatients. Ce n'est pas nous qui critiquons parce qu'il pleut. Ce n'est pas nous qui critiquons par ceci ou pour cela. Ce n'est pas nous. Ça habite avec nous. Nous devons maintenant devenir le maître contrôleur. Cela veut dire que vous devez faire des efforts pour gérer votre vie, votre vision de la vie plutôt, en fonction de votre mental. Et celui qui a trop d'intellect, alors lui, il a une béquille entre les deux jambes. Alors, nécessairement, il devra s'arranger pour démolir l'intellect. L'intellect, c'est une façon de voir le monde dans lequel tu refuses l'intuition. La théologie, l'émotivité, c'est une façon de voir le monde dans lequel tu exclus la logique. Mais le mental, c'est la façon de voir le monde dans lequel tu inclus la logique et l'intuition. L'être humain qui est intellectuel, ne peut pas parvenir à accepter du neuf parce qu'il n'a pas d'intuition. Il a une structure de légifération très particulière, associative, qu'on lui a donnée, et tout ce qu'il essaie de comprendre doit rentrer là-dedans. Il ne peut pas. Celui qui est mental accepte l'intuition, et il peut changer sa structure de légifération en fonction de son intuition, mais l'intuition ne colore pas émotivement sa façon de voir les choses, donc elle n'engendre pas la croyance ou la foi, parce qu'il y a la logique. La logique uniquement présente chez l'intellect, ou chez le mental, qui aussi accepte l'intuition, qui est présente chez l'émotif. L'être, le mental, vous devez, comment on doit gérer sa vie? On doit gérer sa vie de cette façon-là. Mais 24 heures sur 24, quand vous sortez, vous êtes déjà des animaux. Continuellement, l'être humain qui évolue est un animal. Il laisse l'animal sortir. Quand on s'en rencontre, on gagne. Plus on s'en rencontre, plus l'animal s'en rencontre. Plus on s'en rencontre, plus il peut se mettre à chialer de découvrir comment il est. On doit faire attention encore à cela. On ne doit pas. Mais cette partie-là qui chiale parce qu'il ne veut plus être animal, c'est l'ego, mais c'est pas l'ego la partie qui était la plus grande, l'anti-homme. C'est plus l'anti-homme, ça. Non, la partie qui chiale parce qu'elle est écœurée d'être animal, c'est la partie homme. C'est la partie qui va nous faciliter le plus la tâche. Mais ça n'empêche pas qu'elle reste de l'ego. Oui. Bon, elle va quand même chialer. Ce que l'être humain doit faire... Mais c'est qu'elle travaille au moins en collaboration avec le mental. Elle aide. Elle nuit, mais elle aide. Elle nuit, pourquoi? Parce que lorsqu'elle chiale, elle baisse notre pression. Vous avez un problème psychologique? Venez m'en parler. Venez vous confier à moi. Et que ça fait du bien. Pourquoi ça fait du bien? Parce que la pression qui est en train de te faire évoluer, là, tu viens de la diminuer. Et nécessairement, on se sent beaucoup mieux. Mais pourquoi cette pression-là fait mal? Parce que c'est de la pression. C'est un mal psychologique? Non. Énergétique. Oui, mais c'est... Qu'est-ce qui n'est pas capable de supporter cette énergie-là? Toute la façon dont tu es constitué, tous tes ancêtres, regarde ce qui arrive. Maintenant que le mental parvient à être le maître contrôleur, il n'a peut-être pas encore le contrôle du système endocrinien, bon, d'accord, mais il a le contrôle de la conscience du système endocrinien, c'est-à-dire que lorsque l'ego s'exprime par la voie endocrinienne, le mental comprend ce qui se passe, sait ce qui se passe, et le mental ne s'en fait pas, autrement dit. Vous allez être les maîtres à bord, pas les maîtres totaux, mais les maîtres respectables, lorsque toute forme d'expression astrale ne colorera plus votre vision mentale. Quand cela est fait, vous êtes en train de fusionner les personnalités inférieures. Ça veut dire qu'il n'y a plus de coloration dans votre conscience mentale parce que vous habitez avec une conscience astrale. Parce que vous habitez avec une conscience astrale dans un corps vital exprimé dans un corps physique, il y a énormément de manipulations, énormément de problématiques. Tout cela ne doit plus vous ternir, ne doit plus abîmer, ne doit plus colorer votre conscience mentale. Quand cela est fait, nécessairement, vous ne criez plus, vous ne gueulez plus, vous êtes autre chose. Ça ne colore plus. Et là, je peux vous demander, est-ce que vous avez encore de l'émotion? Oui, mais ça ne colore pas ma vision mentale. Est-ce que de temps en temps, vous sentez la frustration? Oui, possiblement que vous pouvez répondre oui. Ah, donc vous êtes frustré? Non. Quand tu me piles sur le pied, je sens que tu me piles sur le pied. Est-ce que ça veut dire que je me pile sur le pied? Non. Donc, si je sens la frustration, est-ce que je suis frustré? Non. Ce n'est pas facile, ce n'est pas moi. Alors, je peux sentir la frustration, mais ça ne colore pas ma vision mentale. Donc, ça ne perturbe pas mon état. Ça ne perturbe pas mon expression. Je ne suis plus un être humain, dans le sens que l'humain accepte tous ses défauts. Ce sont des raisons et des excuses. Quand on est capable de tellement discerner la phase mentale des personnalités inférieures, cela veut dire que quel que soit ce qui se passe chez vous, vous n'êtes pas coloré. Ce n'est pas vous. Donc, si je vous pile sur le pied, vous ne vous pilez pas sur le pied. Si l'ego frustre le corps physique, vous n'êtes pas frustré. C'est la même chose. Mais est-ce que les deux peuvent se faire en même temps? L'ego étant frustré, si le mental, et en même temps le mental en prend conscience, est-ce qu'immédiatement la frustration cesse? C'est ce qui va arriver. Ce qui va arriver à un moment donné, c'est que parce que si déjà vous êtes capable de vivre comme je le dis, et vous devez atteindre ça, et ça ne sert à rien d'être dans une situation particulière, vous avez juste à vivre, vous devez atteindre ça. Quand vous serez capable de le vivre à l'extérieur, quand vous serez capable d'être en couple sans vous engueuler, quand à un moment donné, vous allez cesser de penser que l'autre m'a dit ça. J'écoutais à un moment donné des individus jaser. Et il y en a un qui dit, « Oui, mais non, c'est pas ça que j'ai dit. »« Ah oui, c'est ça que tu as dit. » Là, ça s'engueulait. « Mais si c'est ça que j'ai dit, c'est pas ça que j'ai voulu dire. »« Mais n'empêche que tu l'as dit. » Qu'est-ce que tu veux faire avec un animal comme ça? C'est ce qu'il a compris. Puis si les mots que j'ai employés, c'est les mots qui voulaient dire ça chez lui, bien, la personne, elle disait que c'est pas ça que je voulais dire. À quoi on doit se fier? À ce que tu veux faire ou à ce que je pense que tu as fait? Exemple, je renverse de l'eau sur toi. Qu'est-ce que tu veux savoir? La première chose, est-ce qu'il le fait exprès ou non? Je n'ai pas fait exprès. C'est pas ça que l'ego voulait entendre. Mais fais attention! Rien à faire, je dis, on va continuer pareil. Parce qu'il voulait se battre, c'est la raison. La partie vient se nourrir. Quand vous êtes capable de totalement discerner, si à un moment donné, moi, je vous dis de manger de la marde, puis là, vous arrivez, vous me dites, pourquoi tu m'as dit ça? Puis je vous dis, c'est pas ça que je voulais dire. Vous dites, c'est pas ça que tu voulais dire? Je dis, non. Vous dites, ah, OK. Imaginez que vous êtes immédiatement devenus, vous êtes des maîtres. La preuve, vous allez faire chier beaucoup de monde. Les rendre jaloux. On pourra vous insulter sans vous insulter, alors on pourra s'insulter en essayant de vous insulter. Qu'est-ce qui arrive? Ça revient. Uniquement parce que ce qui va se vivre dans l'astral de lui-même, dans le vital ou dans le physique, ce n'est pas ça ne colorera pas votre perception du monde. Et ça, vous pouvez le faire. C'est pas énorme. Ça va demander certaines petites choses. Il va se battre, le cas avant dedans. Mais s'il se bat, c'est pas grave. Luttez pour conduire. Regardez-le se battre, puis sachez que c'est pas vous. Donc, vous gagnez automatiquement. Il peut pas. Mais il faut être réveillé, suffisamment réveillé. Et toute la vie, changez même pas de vie. Ceux qui souffraient, là, changez même pas de monde. Ça vaut même pas peine. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on va vouloir faire comme changement ne changera rien. Ça ne change, vous avez déjà essayé, observé, ça ne change rien. Ah, vous allez dire, oui, mais j'ai quand même évolué ces 10 dernières années, oui. C'est pas parce que vous avez changé des choses matériellement. C'est parce que de toute façon, vous vous conscientisez. Alors, ça vaut pas la peine. Quand je dis, l'humain, il sait pas où il va. Mais non, il sait pas où il va, c'est évident. Parce que quand il essaie de savoir où il va, en même temps, à l'intérieur, il y a la saveur amère qui apparaît, c'est quel que soit ce que tu vas déterminer, tant que tu ne seras pas accompli, tu ne pourras jamais savoir si c'est ça. Puis quand tu seras accompli, minimum au niveau de la conscience mentale avec fusion des personnalités inférieures, quand ça va être fait, la vision peut totalement changer. Parce que là, tu vas cesser de pousser, tu vas passer par les portes ouvertes. Mais en attendant, tu ne peux pas aller voir les portes. Tu dis, l'humain ne sait pas ce qu'il veut, ne sait pas ce qu'il doit faire, donc il ne sait pas comment le faire, exactement. Mais c'est tellement plus simple. À l'intérieur, même pas, mais c'est même pas la peine. Je vais vous expliquer quelque chose. Il y a des individus que je connais présentement qui essaient de vendre quelque chose. Bon. Alors, ils se promènent et puis ils font mer et monde pour vendre un produit. Bon, alors, ils laissent des cartes, ils laissent, bon, etc. Et, oh, il y a un peu de personnes qui appellent, etc. C'est pas mauvais. Ces personnages-là sont évolutifs, sont conscientisables. Ils se conscientisent, ils le savent. Et la problématique, c'est que c'est pas réglé chez eux, ils n'ont pas capté. Il n'y a pas encore de début de processus de fusion. Et vous devez commencer ça cette année. Il n'y a pas de début de processus de fusion, pas réellement. Il y a création du double. Il n'y a pas de début de processus de fusion. On va voir extrêmement qu'est-ce que c'est après. Alors, ce qui arrive, il arrive que de temps en temps, il y a des personnes qui, bon, si ils travaillent, et on ne doit pas travailler, on doit faire des choses, on ne doit pas travailler. Si ils sont capables de fusionner les personnalités inférieures et de prendre la vie en fonction du mental, donc ils ne sécrètent, et même s'ils sécrètent, ça ne colore pas leur mental, ce qui va arriver, il va arriver qu'ils vont s'asseoir dans le bureau, puis ils vont dire, ah, oh, ben là, je suis curieux de me promener. Et j'ai fait ma part. C'est assez. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas ça que j'ai à faire. Là, le téléphone sonne. Il va répondre, oui, oui, oui, bon, OK, bon. Vous voulez, bon, vous en voulez 3000 et tout, bon, parfait, c'est très simple. Il raccroche son téléphone. Et il continue à se dire, c'est pas ça la vie. Là, le téléphone sonne encore. Oui, oui, 2000, ah, pas de problème, 2000. Bon, passe la commande. Puis là, il continue à réfléchir. Puis là, il regarde, je fais 5000 commandes dans 5 minutes. Mais tout ça, c'est de la merde, pareil. Là, ça sonne encore. 25 000 commandes, oui, ah, pas de problème, 25 000. C'est comme ça que ça va fonctionner. Et qu'est-ce que ça prouve? Quand je dis que vous êtes éclaté, c'est ça, le bonhomme est en train de s'éclater. Il rayonne. Les individus là-bas commencent à être prêts. Dans l'astral, on libère des possibilités. Ils ne travaillent plus. Ils disent, oui, mais il est là pour répondre au téléphone. Oui, mais il ne prend pas 75% du temps de sa vie uniquement pour travailler, pour maintenir le 25% qui va servir à se reposer des 75 autres. D'accord? Il ne travaille plus. Il vit. Et là, à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que son ego va profiter de l'égrandu. Il en a vendu beaucoup. Puis, oui, ben, c'est correct que je continue à en vendre. Bon, puis là, mais il reste négatif un peu ce qu'il fait. Il va pas là-dedans. Puis là, le cœur accélère, c'est le téléphone sonne encore, puis là, il commence à voir que l'ego veut sécréter positivement. Ça risque de détruire, parce que celui qui se conscientise ne peut pas fonctionner avec les lois de projection de l'homme du poisson. Il s'en rend compte, mais la nuance, c'est qu'il se dit, bon, ça y est, l'ego sécrète. Mais pensons-y, que l'ego sécrète, je m'en fous, c'est ses lois de sécréter. Puis quand mon ego sécrète, c'est dans ses lois, c'est pissé, hein. Il va m'aider à réussir. Mais mentalement, moi, je reste aussi négatif, aussi neutre. C'est un négatif qui n'est pas douloureux. C'est un détachement, c'est pas du négativisme. C'est un écœurement? Non, c'est un détachement. La fusion des personnalités inférieures est faite, le téléphone va sonner, puis la personne va engager une secrétaire ou un secrétaire pour répondre, puis il va s'en aller marcher sur le marché, sur la rue, puis pas en disant « Hey, j'ai réussi! » Là, son ego vient de colorer son mental. Moi, c'est parce que je vois cette personne-là. Le téléphone qui continue à sonner, c'est pour canceller les commandes. C'est très simple. Je continue encore. Tes questions sont pas assez bonnes. Ce que tu vas poser là, je continue. Le problème de l'humain, c'est l'ego. Il faut que ça ne colore pas le mental. Bon, en te disant ça, peut-être que l'ego fait quelque chose. Colérez-le. Je dis souvent, de toute façon, c'est un bébé, c'est un enfant qui on est pogné avec. En souffrir mentalement, décider qu'on en souffre mentalement, c'est nous restreindre. Alors, il va arriver ceci. Il va arriver que là, l'individu est en train d'éclater. Étant donné que l'individu est en train d'éclater, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que pendant des années, pendant la période de négoïsation, pendant les périodes planétaires de prière, nous avons pris de l'énergie et nous l'avons placée dans le monde de la mort. Pendant la période de négoïsation, nous prenons de l'énergie et nous la plaçons dans le flamboyant ciel. Nous créons un double éthérique. Nous avons créé un double spirituel, une entité spirituelle, qui a été réincarnée. Pardon, dans la majorité des cas, je l'ai déjà parlé dans une conférence régulière. Ces entités spirituelles réincarnées créent une lucidité. C'est la conscience lucide, et maintenant, on remet de l'énergie dans le plan morontiel et on crée le double éthérique. Tant qu'on fait cela, on crée le double éthérique, c'est intéressant, mais il y a toujours des moments donnés où on est prêt à s'anégoïser plus rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en étant comprimé, en acceptant que le mental va prendre dessus, il ne sera plus colorable. Vous avez, comme j'expliquais à un moment donné dans un séminaire, bon, votre main transpire, votre jambe tremble, vous voulez aller voir un patron, vous êtes tout humide, ben vous rentrez pareil, puis vous saluez le patron, puis la main est toute humide, etc., puis vous vous dites, c'est pas grave, je le cave, j'ai rien qu'à suivre, si vous continuez à miaiser, qu'il continue à miaiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que émotivement, ça ne colore pas votre vision mentale. Quand cela se fait, il arrive ceci, il arrive qu'il y a une égalisation très rapide, avec pas trop de souffrance. Moi, il n'y en a pas trop, je vous assure. C'est même agréablement plaisant. Vous sentez plein partout chez vous, plein d'affaires. Restez vous. Alors, ça ne vient jamais assez intense pour souffrir. Vous percevez, vous ne souffrez pas. Et là, il y a une égoïsation rapide. Et qu'est-ce qui arrive? Il arrive que quand il y a suffisamment d'égoïsation, toute énergie que vous placez, là, il y a l'inverse qui se fait. Là, il y a le début du processus de fusion. Le processus de fusion, on l'a déjà vu, il va pousser le mental à descendre au niveau de l'âme. Il va pousser le mental dans l'âme, va totalement détruire ce qui reste de l'ego. Donc, vous allez avoir un mental totalement lucide d'une âme pure. Et le troisième cerveau, le phénomène supramental, commence à descendre. Et là, on parle de processus de fusion. Il arrive juste ceci, c'est qu'après avoir versé de l'eau pendant des milliers d'années dans des réservoirs supérieurs, à ce moment donné-là, c'est de ces réservoirs-là que l'eau commence à descendre chez vous. L'énergie commence maintenant à couler par le canal et elle vient nous imbiber. Et là, il y a le rayonnement. Là, il y a le peu d'énergie qui manquait, ça remplit, et là, ça commence à se fissurer. En réalité, ça ne fissure pas. Il arrive qu'il y a, comme un soleil, énormément d'accumulation de gravité, et là, ça commence à rayonner. Rayonnant, ça crée une chaleur interne qui élimine le froid, donc les parties d'évolution, d'insécurité, de tout ce que tu voudras. Ça brûle totalement ce qui reste de l'ego, et là, ça commence à rayonner. Commençant à rayonner, ça a créé une centricité de ton événementiel, de l'événement de ta vie vers toi, et immédiatement, les téléphones vont commencer à sonner, les choses vont commencer à se placer, et tu changes totalement. Le changement total, je ne sais pas si on n'en parlera pas immédiatement, on va revenir là-dessus. Ce changement total-là, je vais vous le décrire, je vais en parler, c'est une des preuves. On n'a pas besoin de preuves, mais ça permet à l'ego de prendre conscience que le jeu qui vient de se faire est bénéfique. Pour lui, il faut qu'on le prouve, pas pour le mental. Alors, on fait une pause et puis on revient.